trame. Vie à ce qui paraît, c'est le destin. J'suis pas là pour rail grinderie. L'année, on prendra plein de risques. On multiplie les faits, c'est ni les fédas. Tu gastes sous la menace du feu. Ménage de somme la marginalité. Les faux MC en manque de flow d'originalité. Ton régime arrivé, nique, nique l'humilité. Limite le crime, microphonie crie. C'est soit évolutif. Aucunement sur le pif, c'est pour le pif, non. Nous c'est pour la street, mentir c'est inutile. Tranquille, on purifie le temps. Si j'prends 10 piges, ma directive tranche. Crime pour la vie, tranchie dans ton 6-35. Ma poésie, les ondes, l'esquinte, la monnaie feinte, c'est mesquin. Trop de contraintes pour mon escompte. En rafale pont, du haut de scène pont, du gréton. Des taupes en masse pour des sombres, songe machiavélique. Crime liquide, bleu proli, 92 marginal. Pour l'euro et corps, lourd de peine, cru inimaginable. Mon horoscope retranscrit la haine, escroquerie en transpiré d'assaut marginal, c'est question d'industrie. Musique, marginal, musique, décalée dans nos vies, c'est la différence nous unit. La vérité de nos tirs pour aller punir tout ce qu'on a mérité. On l'a pas, alors on surrite. Musique, marginal, musique, décalée dans nos vies, c'est la différence nous unit. La vérité de nos tirs pour aller punir tout ce qu'on a mérité. On l'a pas, alors on surrite. Alors on vit dans la jungle, là où les singes ont des flingues, le shit planqué dans la joue. Si mon meilleur pote c'est le souci, on suce pour un sushi. On se tue pour un bounty bar, on se construit 100 kilos, grammes de pilon fire. Dans la coque, s'il y a peu de gains, le filon filoche vise dans la peau, dur d'être pur dans la faune. Quand les faux se transforment en dinosaures, on mit nos hommes face à nos démons et nos anges. Peut-on choisir la camisole? Nos actes entrepris pour l'argent sale. Ma devise dans la rue, j'entreprends sans que les gens le savent. Parmi les traîtres et les mensonges, dans les grands ensembles, les KRA se ressentent. Toujours sur la défensive. Musique, marginale, musique, décalée dans nos vies, c'est la différence nous unit. La vérité de nos tirs pour aller punir tout ce qu'on a mérité. On l'a pas, alors on surrite. Musique, marginale, musique, décalée dans nos vies, c'est la différence nous unit. La vérité de nos tirs pour aller punir tout ce qu'on a mérité. On l'a pas, alors on surrite. Musique, marginale, musique, décalée dans nos vies, c'est la différence nous unit. La vérité de nos tirs pour aller punir tout ce qu'on a mérité. On l'a pas, alors on surrite. Musique, marginale, musique, décalée dans nos vies, c'est la différence nous unit. La vérité de nos tirs pour aller punir tout ce qu'on a mérité. On l'a pas, alors on surrite. Surrite.